Voici, en une heure environ, de larges extraits des rêveries du promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau. Choix des textes, résumés et enregistrements de Jean-Paul Alexis, 1er janvier 2017.